بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجن أه أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثره واكتفى. أما بعد، الدرس الخامس عشر. قال الفتيات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ لا on avait vu le pluriel pour discours au masculin, non c'est la même chose sauf que ce sera pourquoi le féminin. On a dit masculin, ce que tu veux dire, tu veux parler à plusieurs personnes, hein? Tu vas dire vous, yani antum. Et là, pour les femmes, tu diras quoi? Tu diras pas antum, lakin antun. Antun. Qala ihdahun, yani ihdahun est une parmi les fatayat, une parmi les adolescentes. Alors ce qui dit ihdahun est une femme parmi les adolescentes. Hun, ça revient à quoi? Les fatayat. C'est comme il avait dit quoi? Ihda al fatayat. Une parmi les fatayat. Qalat, ou qalna, qulna. نحن بنات الشيخ عباس. Nous sommes les filles du Cheikh Abbas. Ils ont pu dire quoi? نحن بنات الشيخ. Ou نحن بنات عباس. Le fait qu'ils ont dit Cheikh Abbas, c'est une histoire de bien appuyer et de bien savoir de qui. Donc Abbas, là, c'est le bedel de Cheikh. Le bedel de Cheikh. Même si jamais tu peux dire. En fait, le bedel, c'est par rapport à son nom qui est juste avant. Avant, il le remplace. Grosso modo, si je mets Abbas, ça peut remplacer Cheikh. Ça remplace. Tu sais que c'est un bedel. Ouais, c'est ça. Mais si quelque chose ne peut pas se remplacer. Il ne peut pas le remplacer, généralement, tu verras que. Ouais. Bedel, c'est celui qui remplace. Ah ouais, moi je ne comprenais pas ça comme ça. Celui qui remplace. Parce que eux, par rapport à la définition, tu vois, c'est ça qu'il dit. En gros, c'est celui qui évolue. Parce que lorsqu'il dit Nahno Benet, qu'est-ce qu'il évolue ici? Nous sommes les filles du quoi? Du Cheikh. Qui est Abbas. Avant d'être Cheikh, il était Abbas. Donc c'est lui qui est Maqsoud, c'est lui qui évolue dans le jugement. Qala nahnu banatu Cheikh Abbas. Tu peux dire aussi qu'à l'écart, c'est un Rafbayan. Pourquoi? Parce qu'il est plus Yani Abbas, c'est un nom propre. Et le nom propre, il est plus défini que celui qui est avec le Alif. Qala Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaba. Comme on a dit, c'est une formule de bienvenue. Ummukun, va choisir vos femmes ou vos mères. Votre mère, Ummukun. Ummukun ustadati. C'est le professeur. Kayfa haluha. C'est le féminin. Le féminin pluriel pour le discours. Fam qala ihdahun. Qalat ihdahun. Hiya bi khayrin walhamdulillah. Zainab. Ou Zainab. Aina hiya al-an. Où est-elle? À ce moment. Qalat ihdahun. Hiya al-an fi al-Riyad. Elle est à présent à Riyad. كابيتال المملكة. قالت زينب متى ذهبت؟ quand est-ce qu'elle est partie؟ قالت إحداهن ذهبت قبل أسبوع. elle est partie تمام il y a une semaine. قبل أسبوع يعني avant une semaine en français. Donc tu veux faire du mot à mot avant une semaine. Mais en français on dit il y a une semaine. Donc قبل comme on va le voir c'est ظرف زمان. On a pu voir تحتاث ظرف مكان. أمام قبل c'est la même chose que أمام. Avant, c'est devant, avec les djihad, il y a six directions. Devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus et en dessous. Amaqab, c'est avant, et celui qui est après, on dira ba'd. قبل وبعد ثم بوزي سي بعد اسبوع سي لا سمان قبل ذهبت قبل اسبوعين البارتي الى سمان قالت زينب من ذهب معها كي بارتي avec elle احداهم ذهب معها اخوها ابراهيم qui est parti avec elle, c'est son frère Ibrahim. Donc Ibrahim, c'est le bedel. Pourquoi? Parce que tu peux le remplacer par Ahwana. Zahaba ma'aha Ibrahim. Là, c'est bedel. Tu qui remplace? Amma Ahwana, là, maintenant, tu peux pas dire c'est un Arf Bayan. Pourquoi? Parce que Ahwana, il est plus défini que Ibrahim. Ahwana, il est plus défini que Ibrahim. Lorsque tu dis Ahwana, on sait que c'est ton frère Ibrahim, ça peut être Ibrahim parmi les Ibrahim. C'est plus défini. Malgré que Ibrahim c'est un nom, mais comme on a dit, le plus connu ou le plus défini c'est quoi? C'est le pronom, c'est le pronom personnel. Et na, huna, akhuna, le nun, huna, on avait dit le mudaf, lorsqu'il est annexé à une chose qui est définie, il va prendre la place de la chose avec laquelle il est défini. Là c'est quoi? C'est un damir. Ils disent, lorsque le mudaf est annexé avec un damir, il prend, c'est comme si jamais c'était un damir. Certains disent non, au fait, il est juste en dessous du damir. Donc il est plus défini que quoi? Que le nom propre. قال كيف حالكم? Comment allez-vous? قالت إحداهن نحن بخير والحمد لله. زينب في أي مدرسة أنتن? Dans quelle école êtes-vous? أنتن êtes-vous? إحداهن نحن في المدرسة المتوسطة. المتوسطة c'est quoi ici? C'est le collège. Mais c'est quoi sa fonction dans la phrase là? Ah, moi je dirais que pour ma part. C'est un bedel aussi? Non. En fait, nous quand on dit. C'est un art. En fait, quand on dit motawasita, entre nous on sait qu'on est en train de parler quoi? Du collège, t'as vu? Du collège. Lakin, pour dire le collège, c'est tout un ensemble. Al-madrasa tu al-mutawassita. Nous, c'est même pas dans, en gros, l'artisan, tu vois. Pour être bref, elle est dans nos expressions. Mais sinon, si jamais tu veux dire vraiment le collège, tu dois dire al-madrasa tu al-mutawassita. T'as si jamais vraiment dans l'arabe, maintenant, tu veux écrire une lettre ou comme ça, tu veux utiliser le vrai arabe, et tu mets, maintenant, anafil mutawassita, c'est faux de dire ça. On ne peut pas comprendre dans l'arabe, ce mot-là, il n'a pas été posé dans la langue arabe pour dire que c'est le collège. Tout seul. Mais nous, comme on sait, tu vois, t'as plein de choses. Il y en a dans la langue française, lorsqu'on connaît, on la connaît, tu vois, on l'abrège. On l'abrège. Là, Kadalika, lorsqu'on dit Motawasita, c'est une bête, on l'a abrégé, tu vois. Mais sinon, si jamais tu veux vraiment dire collège, tu peux pas dire Motawasita. Tu dis quoi? La personne allait au lycée, elle dit, je suis à l'école. Ouais, je suis à l'école. Ou bien, je suis à la fac, tu vois. Faculté, tu veux dire, tu vois. Non, c'est une abrégé? Bien sûr. Donc, tu peux pas dire Motawasita, tout ça. Là, il ne peut pas remplacer. Parce que j'ai compris ce qu'il a voulu dire. En gros, tu peux remplacer Motawasita par Motawasita. Tu ne peux pas le remplacer ici. Là, c'est quoi? C'est un art. C'est ce qui vient pour définir c'est quoi comme type de classe. Est-ce que c'est le collège? T'as même plutôt l'école? Est-ce que c'est le cycle? Plutôt le cycle. Est-ce que c'est le cycle primaire? Et c'est le cycle secondaire, le cycle le lycée ou l'université? Motawasita, c'est le collège. Donc là, c'est un art. Qala mata irtibarukun. Mata irtibarukun. Quand est-ce? Et les matins, pareil, ça ismou, et sifham. Pour dire quand. Zaman. Quand est-ce que. Mata nasrullah. Quand est-ce qu'il va. Le secours, quand même, va arriver, la victoire va arriver. Mata. Irtibarkun, c'est le contrôle, ou plutôt les examens. Non, je crois que c'est nouveau. Mata irtibarkun, yani, à quand votre examen? Donc, et pour le monde facile, comme ça a été dit, Antunna. Qalat ihdahun ikhtibaruna ba'da shahrin. Donc, vous avez vu, comme Anna, tu peux l'utiliser pour la femme et l'homme. Elle va dire Anna, Zainab. L'autre va dire Anna, Abdullah. Kadalika avec Esh, le nom. Al-Jama. Tu vas dire, Nahnu, pour un groupe d'hommes, Nahnu, Muslimun. Ou la femme va dire, Nahnu, Muslimatun. Et c'est pareil, je crois en français, c'est maintenant si tu trouves un homme et plusieurs femmes, c'est l'homme qui prend dessus sur la femme. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que tu vas dire kum? Ils sont plusieurs. Les femmes, tu vas leur demander, maintenant, tu vas dire kaif halukum. Et parmi eux, il y a quoi? Parmi eux, on va dire, il y a cinq femmes et un homme. Qu'est-ce que tu vas dire? Kaif halukum? qu'est-ce que tu vas prendre en considération? Que les femmes sont plus qu'un homme. C'est l'homme qui prend dessus. C'est l'homme qui prend dessus, quoi qu'il en soit. Ah, c'est pas ça. Non, en français. Je me rappelle l'exemple que je t'ai dit. Je vous ai dit, même s'il y a 500 femmes dans l'école et qu'il y a un homme, on dira il. Il est. Ah, ils sont. Ils sont fiers. Les femmes. Et les femmes, c'est pas assez. وليس الذكر كالأنثى كما قال الله سبحانه وتعالى لا تقل لا فهم طب ومن علم سام لا فهم اللي فاسم بلاد علم زينب ذهبتن تمام إلى المدرسة اليوم êtes-vous parti à l'école aujourd'hui donc là c'est quoi اليوم pour dire aujourd'hui c'est اليوم après si jamais tu veux dire le jour celui qui est dans le contrat comment ça peut être différent de la nuit tu diras اليوم hein tu veux dire le jour pas le aujourd'hui le jour et la nuit, tu vois, tu diras « Eliom », si tu veux dire le jour. Ah, mais si tu veux dire « aujourd'hui hein, », pour dire l'inverse de demain ou hier, « aujourd'hui », tu diras « Eliom ». Eliom. Ah ouais. Qalat, « Adhabatun ila al-madrasat al-yom ». T'es dit une phrase tout seul. Et d'où partir à l'école aujourd'hui ? Elles ont dit quoi ?« Naam, dhahabana wa raja'ana ». On est parti et on est revenu de l'école. Donc il y a ni. Bada ici, le Bada Shahrin. Bada Shahrin. Après un mois. Bada, c'est le mot qu'on a eu. Bada, Bada, c'est le construire de Qabla. C'est pas ce qu'on a eu juste avant. Non, c'est, l'autre, c'est l'étendard. Ba'adun. Tilka Rusulu Faddana, Ba'adahum ala Ba'ad. Ba'ad. Bidad. Certains autres. J'arrive pas à faire la différence. Il y a Dad. بعض et l'autre c'est بعد بعد donc ça veut dire certains et l'autre c'est là c'est après et quand dans les cas c'est la même chose hein? Tout ce qu'on a pu voir avec les arbres al-zaman tout ça ou le makan ce qui vient après généralement c'est quoi mudaf ou mudaf mudaf c'est qu'on a les arbres al-zaman ou ce qui suit après mudaf ou mudaf بعد شهرين نعم donc là inshallah c'est la même chose que dans l'enfant sauf que là c'est au féminin. Ok, là c'est simple. Si jamais là, ce qui était au masculin, c'était assimilé, le féminin jardin, ce sera la même chose. Donc la première des choses qu'on peut voir, c'est quoi? Antun. Hein? Donc j'ai dit Antun, là c'est quoi? C'est un damir munfasil lil mukha tibat. Un mukha tibat, c'est celle à qui tu fais le discours. Et ça veut dire, elles sont plusieurs. Mukha tib. C'est celui à qui tu fais le discours. Qui parle. Al-Mukhatib, c'est celui qui parle. Al-Mukhatib, c'est celui à qui il a visé le discours. Wal-Ghaib, c'est celui qui est absent. Ouais, ça. Donc là, c'est quoi? Antun, c'est un damir. Donc un pronom. Munfasil, détaché. Lil-Mukhatabatin. Qui est utilisé pourquoi? C'est à qui le discours il a été avisé. Antun, et l'autre c'était quoi? Il habtun, مثلا. L'autre c'était quoi? Akun, kun, alors. Yakun. Tam takun après. Kun c'est la même chose que le premier. C'est un damir, sauf qu'il est muttasil. Tamam, c'est ce que tu vas utiliser pour mukhatab. Tu vas dire Hada, مثلا, Kalam Kunna. C'est beau, stylo, c'est votre stylo, en parlant à des femmes. Hada, Kalam Kunna. Pour que ce soit que des femmes. Tamam, qu'est-ce que tu as fait? On a mon kin de Mara, on a riche. Tamam, ensuite, j'avais quoi? Non. Zahabtunna. Tamam, dans le verbe là. Zahabtunna. Tamam, donc le ton, ce que j'ai souligné ici là. Tamam, c'est quoi? C'est un. Hein, mais celui-là, tu l'utiliseras pour quoi? Pour les verbes. وَيُسْتَعْمَلْ لِلْأَفْعَالِ خَاصَةً. C'est-à-dire que tu l'utilises لِلْأَفْعَالِ pour les verbes seulement. تُن, tu ne peux pas le trouver dans un mot, celui-là. Dans un mot. Dans un mot. Tu ne peux pas trouver. Ah, tu ne trouveras pas. Ça, c'est pourquoi c'est un sujet. Donc le sujet, il va avec le verbe. ذَهَبْتُن. Tout ce qu'on a pu voir. ذَهَبْتَ. ذَهَبْتُ. ذَهَبْتَ. ذَهَبْتِ. تمام ذهبتم وذهبنا وذهبتن ذهبت لا c'est pas un, c'est un harf c'est un signe qui nous prouve c'est pas Zahabat, c'est un signe. Je ne veux pas voir, tu vois. C'est un signe, c'est un signe. C'est pas un sujet. Il n'est pas sujet là dans la phrase. Kharajat, le ta aussi. Ici, là, si je te demande, ilul fa'il, c'est hun, c'est hiya. Il est sous-entendu. Amadon zahabta. On va les refaire tout de suite. Là. Donc, Yanni, c'est tout ce qu'il y avait, je crois, dans cette leçon-là. Et il y avait Ba'd. Il y avait Ba'd. Et Qabl. T'as ces deux-là, là Ba'd. Wa Qabl. T'as vu? Les deux, là, c'est un chose à même. Avant, après. Après, avant. Mais ça c'est quoi? C'est-à-dire que le tun huna, tu peux le trouver qu'avec les verbes. Pourquoi? Parce que c'est un sujet. Le sujet il va qu'avec les verbes. Tu ne pourras pas trouver tun avec un mot. Soit ça va avec les mots. Ça va avec, naam, avec les mots bêtes. Avec les mots. Tu diras kita bukun. Kita. Ah, tun, oui, vu que c'est un damir, il se retrouve qu'avec les. Que les mots. Mais kun, il peut se retrouver avec. Parce que c'est kafel khitab. Il peut se retrouver avec les mots. C'est ça? Il peut se retrouver avec les mots parce que. Il se retrouve avec les mots et on va le voir aussi avec les verbes. Parce que tu peux l'utiliser en tant que maf'al bih. Maf'al veut dire. Darabtukun. Je vous ai tapé. Et là, j'ai vu dans la leçon, il me dit qu'il y a un truc. Quand on utilise matin. Oui, il y a matin aussi. On utilise qabl. Il y a matin. Qabl, il est toujours. C'est un qabl qui s'amène, mais il est toujours en bas. Le nom qui suit sera toujours majeur. C'est pourquoi Qabl, tu l'as. C'est pas vrai. Hein? C'est faux. C'est faux, c'est vrai. C'est pas faux, mais c'est pas tout faux. Qaliban. C'est pas tout à fait, c'est pas Daïman. Parce que c'est des gens qui ont juste fait la journée, ils sont à la tête. Et Yamata, aussi, j'ai oublié. Yamata. Et c'est un tas dans le cri. Radrat, c'est ça, ouais. Hein? Où ça? Où? Là? Où ça? C'est un sod. Tu vois? Donc il y a trois pronoms, trois dhatfs, zaman. Meta, quand, ba'd, après, et qabl. Ba'd, wa qabl. Ghaliban, souvent, ce qui est après, ça veut dire quoi? Mudaf ilayhi. Amma mata? Mata nasrullah. C'est comme ayyid. Pas ayyid, on dit comme ma. Man. J'aime les trois, c'est des points. Ça veut dire quoi ça? Zaman, c'est le temps. Quand j'ai mis complément circonstanciel de temps, c'est cet. Histoire que. Dorfou zaman. J'efface? Tu peux y aller. C'est bon? Je voudrais faire un petit récapitulatif de au niveau de la conjugaison. D'accord. On a pu voir là le singulier. Singulier féminin masculin. Et le pluriel féminin et masculin. Maintenant, Zahabtu. J'étais parti. Quand tu veux dire j'étais parti, tu veux utiliser quoi? Le ta. Tout. J'étais parti. Dahab. Dahabta. Dahabta. Tu étais parti. Dahab. Dahabti. C'est que du passé, ça. Ouais. C'est que le passé pour ça. Dahabti. Tu étais parti. Féminin. Dahaba. Il est parti. Dahaba, il est parti. Zahabat, elle est partie. Ou elle était partie. Okay. Tout ça, c'est quoi? Le singulier. Le pluriel. Zahab. Zahabna. Nous étions partis. Comment? Zahab. Dhahabtum. Dhahabtum. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Vous étiez parti. Dhahabtum. Vous pour les femmes. Vous êtes parti quand même. Dhahabtum. ذهبوا إلى ذهبنا ذهبنا elles étaient parties c'est bon la toile est simple Et pour les exercices, si j'aime les exercices, regardez vite fait là, comme ça moi je peux partir. Regardez, l'exercice numéro 1, il vous dit quoi ? Ajib ranil as'ilati al-atiya. Donc réponds aux questions suivantes. Pour répondre aux questions qui sont suivantes. Tu vois ? L'exercice numéro 1 de la leçon, numéro 15. Réponds aux questions suivantes. Et tu formes une phrase comme tu veux. Tu vois. Le deuxième, il dit quoi ? Anith al-mubtada fi kulli min al-jumali al-atiya. Il dit en gros, le mubtada là, rends-le au genre féminin. Là, il t'a mis un exemple au masculin. Mithal, a antum tullab, a antun talibat. Donc là, tu fais la même chose. A antum mudarrisun, tu dis quoi ? A antun mudarrisat. Donc tu fais la même chose. Exercice numéro 1 et 2. Et le 3. Il dit Hawil al-damir fi kulli min al-jumali al-atiyati kama huwa muwaddahun fi al-mithal. Il dit il change le damir. Comme cela a été fait dans l'exemple. Comme cela a été fait dans l'exemple. C'est-à-dire du masculin au féminin. L'exemple, c'est quoi ? Aina buyutukun baytukun ya ikhwan. Donc tu fais la même chose. Aina buyutukun ya akhawat. Donc la même chose. Aina akhukum ya ikhwan. Tu diras. C'est trois exercices là. Et le 4 et le 5, ou bien 4 et le. Ou le 4. Et le reste, inch'Allah, on fera ça à l'oral. On fera ça à l'oral et on donnera le vocabulaire. Donc il y a une leçon. Ils le sont avant, à l'Ikhtibar. Des choses concrètes. Ah bah tiens, il y avait un tableau. Là, il y a un tableau. Là. C'est pas grave. On t'écrit et puis ça reste, inch'Allah. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين